Martinique, je me sens. En Guyane, je me sens. La Réunion, je me sens. En Haïti, je me sens. Aux Caraïbes, je me sens. En Afrique, je me sens. À Saint-Martin, je me sens. Jamaïque, on se sent. La Dominique, on se sent. En Amérique, on se sent. Calédonie, on se sent. Au Brésil, on se sent. À Papette, on se sent. Venezuela, on se sent. À Sainte-Lucie, on se sent. À Marseille, on se sent. À Nice aussi, on se sent. Au Maroc, on se sent. À Tunis, on se sent. À Lisbonne, on se sent. Barcelone, on se sent. En toute l'Europe, on se sent. Martinique, on se sent. En Guyane, on se sent. La Réunion, on se sent. En Haïti, on se sent. Aux Caraïbes, on se sent. En Afrique, on se sent. À Saint-Martin, on se sent. Quand tu veux pas, on se sent. Quand tu veux pas, tu te sens. Quand tu veux pas, on se sent. Quand tu veux pas, tu te sens. C'est parti. Remonter comme ça, descendez comme ça, remonter comme ça, descendez comme ça, remonter comme ça, descendez comme ça, remonter comme ça, descendez comme ça. Les filles et les garçons, on continue. Quand tu veux pas, on se sent. Quand tu veux pas, tu te sens. Quand tu veux pas, on se sent. Quand tu veux pas, tu te sens. C'est parti. Remonter comme ça, descendre comme ça, remonter comme ça, descendre comme ça, remonter comme ça, descendre comme ça, remonter comme ça, descendre comme ça. Les filles et les garçons. Quand tu veux pas, on se sent. Quand tu veux pas, tu te sens. Quand tu veux pas, on se sent. Quand tu veux pas, tu te sens.